Où habite-t-il ? Ta chou na c'est chou. Alors, votre phrase n'est pas fausse. On pourrait aussi bien dire il habite Paris au lieu de il habite à Paris. Mais jusqu'à présent, on utilisait zai qui veut dire se trouver à. Donc la question serait il habite à quel endroit ? Et cela se dira avec se trouver où. Ah, alors c'est zai na. Où habite-t-il ? Ta zhu zai na. Il habite à Shanghai. Ta shu zhu. Habiter ou vivre en pinyin, la transcription du chinois en alphabet romain s'écrit ZHU, doigt noir pointé vers le sol, zhu. Zhu. Zhu. Et rappelez-vous la petite histoire que je vous ai déjà racontée. Hein. En voyant l'immense demeure que je louais dans les beaux quartiers, ma nouvelle conquête m'a dit « Tu habites là ? Tu joutes moi ou quoi ?» Donc, il habite à Shanghai. Ta zhu Shanghai. Alors, rappelez-vous qu'il faut dire se trouver à. Alors, comment fait-on pour dire à ? Ta zhu zai Shanghai. Il habite à Shanghai. Ta zhu zai Shanghai. Comment direz-vous est-ce loin ? Est-ce qu'il faut que je dise quelque chose pour le ce ou est-ce que je dois juste dire est loin ? Vous avez le choix, vous pouvez faire les deux et vous serez parfaitement compris quel que soit votre choix. C'est à vous de décider. Ren yuan ma. Non, pardon, à cause de la règle des deux syllabes. Yuan ma. Est-ce loin ? Yuan ma. Mais si vous demandez est-ce très loin, alors vous pouvez aussi dire ren yuan ma. C'est bon aussi. Non, ce n'est pas trop loin. Alors dites d'abord non, ce n'est pas loin. Il n'est pas loin. Pu yuan. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas trop loin. Ta shi. Ta bu shi tai yuan. Donc, vous venez de dire n'est pas loin. Et comment est-ce que vous avez dit ça ? N'est pas loin. Oui. Bu shi yuan. Comment dites-vous être loin ? Yuan. Et comment dites-vous ce n'est pas loin ? Bu. Bu yuan. Et comment dites-vous ce n'est pas trop loin ? Bu. Trop. Tai. Ah, donc dans ce cas, j'ai besoin de faire du trampoline, d'accord. Sur le bu. Alors oui, bu tai yuan. C'est ça. Ta bu tai yuan. Bien, vous n'avez donc pas besoin de shi. Non, ce n'est pas trop loin. Bu yuan. Ta bu tai yuan.